Sei que conhecer deixa lá. Tabadia não pire. Ils m'ont souhaité le mal, ont prié pour le pire. Mais Dieu nous facilite. Ma jolie, à moi, non. Et mon cadeau du ciel. Ma jolie, à moi, non. Et ma peau de galère. J'ai fait le tour du monde, tour du monde. Mais y'a pas de femme comme toi. J'ai fait le tour du monde. Mais y'a pas de femme comme toi. Et y'a pas ton gueule, y'a pas ton gueule. Pour toi je fais le pire, t'as la peine à perdre. Y'a pas ton gueule, y'a pas ton gueule.